Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 19 octobre 2021, nous sommes bien sûr en direct, il est 14h. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Élise et Nove respectivement, artistes peintres et artistes graffeurs du collectif La Douche Froide, qui sont là pour nous parler de leurs activités et de tout ce qu'ils font. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? En cette période un peu compliqué, on va dire que nous, c'est répéter la phrase de beaucoup d'autres, c'est qu'on va mieux que l'état du monde. D'accord, ok. Donc nos auditeurs et auditrices se sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle? Alors je vais laisser la place à madame. Merci beaucoup. Donc oui, je suis Élise Poinsneau, artiste peintre établie depuis 2007. J'ai eu divers ateliers donc dans le pays de Montbéliard, donc dans le 25. Mm-hmm. Et depuis un an, on est avec Nove à Lure, donc aux ateliers d'artistes Les Écuries. D'accord. On a un bel atelier avec cinq autres ateliers et une salle d'exposition. Et donc moi je suis peintre, art-thérapeute, et puis j'ai fait pas mal de choses. D'accord. Depuis toutes ces années, mais là aujourd'hui je me consacre essentiellement à la peinture. D'accord. Moi je m'appelle Nove, je suis tombé dans le hip-hop, le mouvement hip-hop il y a 32 ans, un mouvement qui défendait des valeurs de paix, d'amour, d'unité, et surtout transformer le négatif en positif. Donc je suis tombé dans le graffiti par ce biais-là. À l'époque, le graffiti était automatiquement assimilé aux vandales parce qu'on n'avait pas d'autorisation. Bien sûr. Donc moi, je vous avoue que ça m'a amusé pas très longtemps parce que j'ai tout de suite compris qu'il me fallait du temps pour pouvoir réaliser des fresques. Donc moi, je me suis rapidement dirigé vers le légal. Donc j'ai rapidement monté une association qui s'appelle Travailleurs de l'ombre, qui existe toujours. Et donc moi, je suis tombé dans le graffiti à 14 ans, j'en ai 46. Et à côté de ça, le rap. Donc mais pareil, le rap sans autotune, sans gros mots et sans glorifier tout ce qui est négatif. Ce qui est triste, c'est que ce mouvement est devenu aujourd'hui l'opposé. Quand j'entends les messages dans le rap actuel, c'est tout l'opposé de ce que nous on prônait ou ce qu'on écoutait. Donc nous, le mouvement hip-hop nous a sauvés et aujourd'hui j'anime encore beaucoup d'ateliers avec le jeune public où j'essaye de ramener ces valeurs-là, paix, amour, unité, transformer le négatif en positif. Et les disciplines du hip-hop sont intéressantes parce qu'elles ne nécessitent pas de moyens financiers. C'est-à-dire que pour faire de la danse, il faut juste un corps en bonne santé. Pour écrire du rap, il faut un stylo et une feuille. Pour faire du graffiti avec quelques bombes, on peut faire d'un mur pas très joli quelque chose de très beau. Et on a vu l'évolution du graffiti en 40 ans. On se retrouve aujourd'hui avec des galeries d'art et des artistes comme Banksy qui font des millions de dollars. Et tout en gardant l'éthique et du vrai vandal, on voit toujours sur le bord de nos routes fleurir. Alors moi, personnellement, je suis fan. Moi, je suis un fervent adorateur du vandal quand c'est bien fait. Par exemple, moi, là, en ce moment, je cite un artiste qui s'appelle Cycle, C-Y-C-L-E, que je pense beaucoup de vos auditeurs ont déjà lu sous les dessous de pont. Et ce que je trouve intéressant chez cet artiste, c'est que c'est du vandal pur. Il choisit magnifiquement ses endroits. Et alors, pardonnez-moi l'expression et la vulgarité, mais je trouve qu'il fait chier personne. Il met de la couleur là où on l'attend pas, sous des ponts, des endroits un peu... C'est toujours moche, c'est jamais des particuliers. Donc, je trouve que c'est vraiment le bel exemple de vandal intéressant, selon moi. Bon, moi, je pratique plus parce que déjà, j'ai plus l'âge. Et voilà. Mais par contre, je respecte toujours autant ça. Donc, je viens de cette école-là, moi. D'accord. Et donc, comme annoncé en introduction, vous faites partie du collectif La Douche Froide. Donc, pourquoi ce nom de La Douche Froide? Je vais bien sûr laisser la parole à Neuf. Vous aurez remarqué qu'il parle très bien. C'est pas qu'il parle très bien, c'est qu'il parle beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien le présenter parce que c'est en fait dans une atmosphère politiquement, socialement et artistiquement lourde, la douche froide, ça réveille. Voilà, ça c'est le slogan de base. Élise, elle vient d'une école qui est complètement opposée à la mienne. Moi, je suis un pur autodidacte. Je viens vraiment du graffiti. Je me suis intéressé à la peinture tardivement. Et quand on a mélangé ces deux écoles, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est dans une atmosphère lourde, que ce soit socialement, politiquement et même artistiquement, où on retrouve beaucoup d'artistes toujours au même endroit. Enfin, on a l'impression que ça tourne un peu en rond au niveau des galeries, au niveau de ce qui se fait mondialement dans les art fairs, dans tous ces salons d'art contemporain. Donc voilà, nous on avait envie de mettre un peu de piquant là-dedans, parce que mélanger deux écoles, on n'a rien inventé. Par contre, on a toujours un message derrière. La douche froide, c'est un mouvement militant. D'accord. C'est de l'art, mais pas que. D'accord. Donc, justement, c'est que votre duo qui s'appelle La Douche Froide, ou est-ce qu'il y a d'autres membres dans La Douche Froide ? La Douche Froide, c'est fondée par Élise et moi-même. D'accord. Voilà. Donc, on avait toujours dans l'idée de. On parle de collectif parce qu'on fait des collaborations. D'accord. Et c'est vrai que l'utopie de départ aurait voulu qu'on soit un collectif à plein temps. Mais après, la réalité de terrain, on se rend compte que chacun a sa carrière. Je parle des autres artistes. Donc La Douche Froide est amenée à collaborer avec d'autres artistes. Maintenant, pour qu'un membre en devienne complètement sociétaire, il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et par exemple, Élise et moi, c'est du 7 jours sur 7, c'est du 10 heures par jour. Donc nous, on est sur 70 heures semaine pour La Douche Froide. Donc c'est sûr que c'est notre bébé, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est compliqué d'accueillir des gens hormis des collaborations définies. D'accord. Oui, parce qu'au début, effectivement, quand on l'a créé, on a travaillé sur un événement avec un artiste-sculpteur qui s'appelle Denis Lucaselli. Et donc effectivement, à ce moment-là, on s'était dit ce serait sympa d'ouvrir à d'autres pratiques que les nôtres. Et donc voilà, ça reste aujourd'hui de la collaboration, mais parce qu'il y a une occasion où il y a vraiment une idée de base, mais c'est pas sur le long terme. D'accord. Oui, Neuf. Non, je disais à Élise qu'il faut qu'elle parle bien devant le micro. Ah oui. Parce que pas de souci. Et donc, comme annoncé dans l'introduction. On peut se tutoyer pendant l'émission, ça ne gêne pas? Okay. Avec plaisir. Donc, comme annoncé en introduction, donc Élise, toi, tu es artiste peintre, du coup, et Neuf, donc tu es, comme on l'a dit, artiste graffeur. Ouais. Donc, pourquoi vous êtes-vous orientés tous les deux vers la peinture pour toi, Élise, et le graphe pour toi, Neuf? Est-ce que ce sont des choix, ou est-ce que ça s'est présenté à vous un peu comme une évidence? Élise? Allez. Alors c'est une question toujours un peu compliquée, parce qu'on se, pour moi, je répondrais que c'était une évidence, mais en même temps j'ai eu la chance de naître dans une famille d'artistes, puisque D'accord. mon papa est auteur, écrivain et comédien. Voilà, mon grand Paul Hermio, on peut le citer. On peut le citer. Paul Hermio. Oui. Voilà, Paul Hermieux. Mon grand-père était aquarelliste, travaillait l'huile. Enfin voilà, j'ai eu quand même cette chance de vivre un petit peu hors du temps, parce que je trouve que je considère l'art comme un moment hors du temps, et j'ai eu cette chance depuis que je suis toute petite, en fait, de pouvoir observer ce hors-sol. Donc voilà, après c'est devenu une évidence, je dirais, voilà, quand j'ai eu 12-13 ans, où je savais que je pourrais pas faire autrement. J'ai essayé. D'accord. De faire autrement. j'ai tenté. D'ailleurs, je me suis dirigée vers des études d'horticulture quand j'avais une vingtaine d'années. Mais j'en ai fait pour. Enfin, les fleurs sont devenues aussi un moyen d'expression et d'art. Donc finalement, voilà, j'ai jamais quitté On retrouve de son parcours dans son travail, Élise. Oui, ce qui m'intéresse. Il y a beaucoup de fleurs chez Élise. Voilà, les fleurs sont là, sont très présentes, mais d'ailleurs même physiquement dans l'atelier, si vous pouvez passer un jour, en tout cas il y a beaucoup de plantes et beaucoup de fleurs. C'est quelque chose de très très important en tout cas dans mon bien-être, Et personnel. Qui se retrouve dans son travail. Hein. Voilà. D'accord. Et puis la suite, voilà, c'est fait que j'ai pas pu faire autrement. Il fallait que je peigne et aujourd'hui, je ne fais que ça et je suis vraiment, vraiment, vraiment bien. D'accord, donc une œuvre, comme tu l'as dit, tu fais part. En gros, tu as grandi dans le graphe. Alors moi, j'ai eu la chance vraiment, parce que moi, je viens pas du tout d'une famille artistique. D'accord. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers et j'ai eu la chance d'avoir une maman 68arde qui, elle, était complètement fan de peinture, d'exposition dès le plus jeune âge, j'ai été traîné entre guillemets dans les vernissages. Alors tout de suite, il y a des artistes qui m'ont parlé. Moi, j'ai un artiste franc-comtois qui est pas très connu. Il a pas eu le temps, le pauvre. Il a rejoint mes anges gardiens. Mais par contre, c'est un artiste qui s'appelle Blaise Maille, qui est un artiste peintre manchot. Et donc, quand on a 4-5 ans, c'est une image qui m'a marqué. Cet homme avec une seule main qui arrivait à peindre, à sculpter. Il avait des outils qui s'adaptaient avec son moignon. Donc, c'est quelque chose qui m'a déjà marqué fortement. Donc, l'ambiance des vernissages, l'ambiance de l'atelier. On allait régulièrement le voir dans son petit atelier où il se passait des millions de choses. Donc, dans l'imaginaire d'un enfant, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Et après, ben, par contre, moi, le hip-hop est arrivé à point nommé à 14 ans quand on est en crise d'adolescence, qu'on est un peu perdu et on sait pas trop où on va. Ben, soudain, moi, la voie était toute trouvée. Et donc, de l'art, de la peinture que j'avais vue enfant à la bombe de peinture. Et encore une fois, je dédicace ma maman parce que ça a été la première à me faire confiance, à m'acheter des bombes de peinture, à me donner des murs pour m'exprimer chez elle et qui m'a soutenu de la première heure jusqu'à la dernière. Donc elle est toujours là, elle est toujours derrière, c'est ma fan numéro un. Donc voilà comment j'y suis arrivé. Puis la rencontre avec Élise, c'est il y a 3 ans. Alors, pile poil, hein, parce que j'ai vu grâce à Facebook. Aujourd'hui, en fait, on a finalisé donc le 19 octobre 2018. Ouais. C'était la première toile qu'on a créée ensemble. En fait, on l'a finalisée aujourd'hui il y a 3 ans. C'est notre anniversaire de la douche froide, fêté chez vous. Et ben, bon anniversaire à la douche froide. Ben, merci beaucoup. Et encore, pourvu que ça dure bien longtemps. Bien sûr. Justement, à la douche froide, donc, du coup, vous mélangez, comme tu l'as dit, Neuve, vos deux arts, donc la peinture et le graphe. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix de mélanger les deux? Alors c'est vraiment d'un commun accord qui était comme une évidence. Élise pratique une technique que je ne maîtrise absolument pas et que je ne maîtriserai jamais, et vice versa. Et à un moment on s'est dit, après je laisserai parler Élise avec sa vision à elle, mais moi cette vision là de... Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, mélanger deux écoles, ça a déjà été fait. Mais par contre, on va souvent retrouver le côté graffiti, street art, pour faire du graffiti. Alors que nous, l'idée, c'est chaque mot qui est placé dans la toile a une valeur. Et c'est pas des mots mis pour mettre du tag ou pour mettre des graphes. C'est chaque fois, il y a un message, tout est étudié. D'accord. Et beaucoup de calligraphie, en fait, c'est ça aussi. On parle beaucoup de graffiti parce qu'on m'a mis cette étiquette, elle me va très bien. Mais aujourd'hui, je me considère plus comme calligraphe que graffeur parce que je m'attaque à toutes les écritures, tous les styles. Et c'est ma passion, ma vraie démarche artistique se trouverait autour de la lettre. D'accord. J'aime les lettres. D'accord. Et pour ma part, en fait, à ce moment-là, quand on se rencontre, moi, j'ai Art 17. Art 17, c'était un espace, un atelier galerie. Mm-hmm. Et j'étais déjà dans cette démarche de collaboration En fait, chaque mois, donc chaque 17, il y avait un événement où j'invitais des artistes et je leur proposais de travailler ensemble pour créer un événement vraiment unique à ce moment-là. Et moi-même, j'étais déjà en démarche vers la collaboration parce que je trouvais que ça apportait quelque chose en plus dans mon travail et surtout ça m'invitait à aller un petit peu plus loin que moi toute seule sur une toile. Donc effectivement quand j'ai vu son travail et quand j'ai vu surtout sa manière de penser parce que c'est un ensemble, je n'ai pas hésité, bien sûr. D'ailleurs je pense que c'est moi qui te l'ai proposé peut-être. Effectivement. Et voilà, je voulais expérimenter. Après, j'avoue que peut-être 15 ans avant, je rêvais de faire du graffiti et j'ai jamais osé, j'avoue. D'accord. Donc il est 14h15. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Nov, tu fais du hip-hop, du rap. Ouais. Donc nous allons écouter un de tes morceaux intitulé Les Jours Sombres. Donc voilà, c'est Elise qui m'a envoyé en amont de cette émission. Donc, Et il fait partie d'un album qui s'appelle Que du Bon. Voilà. Donc on écoute ce morceau et on pourra peut-être en parler un petit peu après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo après Les Jours Sombres. Les Jours Sombres. Nous sommes de ceux qui suivent le corbillard en se brisant les chicots. Des fois j'avoue j'en ai marre, je partirais bien à Porto Rico. Nerf la carotte du bourrico ou d'Adèle Mariachi. Un dernier Ave Maria, un bisou à la famille. Kamehameha culpa, la boule au ventre n'est pas partie. J'ai chassé le dragon pourtant et voyagé comme Marty. Pas besoin de Lauriane. Le futur est tout pourri, Texaco Bayer Monsanto s'occupe de ton paradis. Triste constat pour un mec qui chante que du bon. La fatigue est mon ennemi, usé par les déceptions. Une de plus, une de moins, au commencement j'étais seul à croire que c'est mon destin, toujours le dernier dans la file. Le V c'est pour les miens et les défaites c'est pour ma gueule. Un espoir qui s'éteint, on a l'humain de rejoindre l'asile. Fil, mauvais œil, spleen, de l'artiste sur la route. Vas-y, cercle le son, je crois que je nage en plein doute. Allez, je t'en prie, ferme-la, on sait que tu changes d'avis sans cesse. Ton spleen c'est de la faiblesse, comme si t'écartais les vestes. T'as qu'à postuler chez Skyrock pour être animateur vedette. Ou mannequin chez Nike, l'année comme la virgule, ma tête. La mienne, je me la prends plus, à essayer de raisonner. On est d'accord, t'es un prototype, et tu sais pas rapper. Y'a même pas d'autotune. Dans ton album à la con, t'en vendras pas une barquette, donc encore moins un carton. Le temps que tu roules un spliff, DF t'a violé sur ton son. T'écoutes Corus en boucle, et tu retiens jamais les sons. T'es comme un petit garçon qui se plaint, et mériterait une claque. Mais t'es qu'un vieux con sur leur tour. C'est vrai, je manque de tact. Ton coup de blouse, je t'en foutrais. Rappelle-toi que derrière ça pousse. T'es au bord du ravin, prends l'alcool et entends comme tu tousses. On rigole tous. Sur la sortie de ton album, ton ex met des pouces sur tes coms. C'est juste parce qu'elle est conne. C'est quoi? Va bien, mais alors bien, mais vas-y bien. Et allez tous, hein. Allez tous vous faire embrasser. J'ai allumé trop de brasier, désormais je peux marcher sur l'eau. T'aimes pas mon rap, mes coups de mou. Tu me dis va pas le coulo. Je veux pas couler le canot de secours sur lequel je divague. Le vague à l'âme, ambiance velours. Au fond, c'est juste une blague, une bien dégueulasse comme seul réserve, c'est les fers. Je suis encore là, ma petite gueule, et pas prêt de lâcher l'affaire. Même si d'autres ont préféré de cesser le sérieux, facilité de céder sous des prétextes fallacieux. Lèche-moi le phallus, sauf ton nice. À défaut des oreilles, avec ta culture brise de nice, t'es bête à manger ton oseille. Lèche mon orteil, même si c'est vrai. Je finirai en deux bandes, vendrai une centaine de CD pour financer le second round. Les jours sombres, j'écrirai encore mes colères, et ce jusqu'à la tombe, quand du paradis et enfer. Ouais, donc Serki, quand je te parlais de blague de réserve, bien dégueulasse, mais la meilleure qu'il ait faite, en fait, c'est la blague de l'ours et du lapin qui... Et chi. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo. Vous êtes toujours en direct, bien sûr. Il est 14h, presque 19. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Belgique ou encore l'Allemagne, voire la Suisse. Vous venez d'écouter Nov avec le titre Les Jours Sombres et nous sommes toujours accompagnés dans nos locaux de Élise et de Nov, justement, respectivement artiste peintre et artiste graffeur slash rappeur slash hip-hopper, on va dire, ouais, du collectif La Douche Froide, qui sont là pour nous parler de leurs activités et de tout ce qu'ils font. Ça va toujours ? Ouais, impeccable. Super. Donc là, ben, je reviens sur ce morceau qu'on vient d'écouter. Donc c'est tiré d'un album que j'ai fait. Donc moi, je suis un alcoolique abstinent. Là, je vais fêter mes 5 ans. Ah, c'est bien. J'en parle beaucoup parce que je suis passé des ténèbres à la lumière en quelques temps en fait, et donc quand j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle Travailleurs de l'ombre, il y avait l'association donc qui existe toujours par rapport à la défense du hip-hop, mais il y avait le groupe de musique avec lequel on a tourné une quinzaine d'années localement chez nous, et j'ai réussi à me faire éjecter de mon propre groupe que j'avais créé donc pour cause d'alcoolisme et tout ce qui va avec, et donc quand j'ai décidé de mettre fin à ma carrière d'ivrogne, la première chose que j'ai faite avec l'abstinence, c'est de mettre des sous de côté, de m'offrir un dernier album. Je pensais vraiment faire ça pour l'orgueil, et c'était orgueilleux, hein, je l'avoue, au départ. Donc c'était mes petites économies, ce que je ne mettais plus dans la fête et dans les bars. Je me suis auto-financé un album, et derrière, quand je l'ai fait écouter aux copains, ils m'ont dit ah, c'est pas mal ça, on pourrait repartir, parce que j'ai toujours fait du rap avec des musiciens. D'accord. Et là, contrairement à ce qu'on vient d'écouter, là c'est un album qui est fait en studio avec des machines et un DJ, et donc là ça fait 3 ans qu'on a remonté une formation acoustique donc qui s'appelle les Troubadours. Parce que Travailleurs de l'ombre, ça reste l'association. Et après, j'ai tiré un trait sur ce passé peu glorieux. Et pour remonter un truc beaucoup plus positif, donc qui s'appelle Troubadour, hein, le jeu de mots, hein, c'est, on est en 3 mots, Troubadour, la vraie saleur. Et donc, on est en acoustique avec Caron, 2 guitares classiques et une flûte traversière, et ainsi qu'Élise qui me back mes raps. Donc, alors Élise, maintenant, elle est douche froide, elle est Troubadour, j'ai réussi à l'emmener avec moi dans le pestacle. Et donc là, le Covid nous a mis un bon coup de frein, parce qu'on était sur des répétitions, sur un nouveau set, une nouvelle formation. Donc bon, on en a profité pendant le Covid pour peaufiner tout ça, et nous revoilà sur scène. Là, on était au Biojour de Fauconnier, donc chez vos voisins. Là, on a joué encore récemment dans un pub chez nous, et donc là, on reprend la route de la scène. Donc il y a la douche froide, il y a les Troubadours. En fait, ça bouillonne aux écuries Allure. D'accord. Non, mais c'est une bonne chose. Et puis, je trouve ce combat contre l'alcool, tout ça, je trouve que c'est un. Et surtout quand on arrive à le remporter, je trouve que c'est respectable. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup parce que j'essaye de devenir un parrain. Donc, notre agenda et le planning fait que je peux pas me rendre aux réunions des AA. Mais j'aimerais le faire. Et comme je ne peux pas, et que je peux pas me démultiplier, donc j'essaye d'être un messager. Alors je le fais via Facebook, je l'ai fait, j'ai tenu un journal de bord en ligne sur Facebook. Ce journal de bord est devenu un vrai petit bouquin qu'on a publié, et là cet hiver le projet, c'est de le peaufiner. Alors il est déjà sorti via la plateforme géantissime américaine, bon, qu'on est le grand débat d'Amazon. Alors c'est sûr que Amazon, il a plein de défauts, mais par contre il a cet avantage là pour les petits écrivains du fin fond des campagnes, on peut s'auto-produire et s'auto-éditer. Donc j'ai fait ce choix là pour sortir. Il fallait que ça sorte un peu comme un exutoire. Ouais, c'était complètement ça. Il fallait que ça sorte, quoi. Alors je l'ai sorti en papier. Je me suis rendu compte que comme toutes les choses faites à la hâte, c'était pas une bonne idée de le sortir aussi vite. Je suis content de l'avoir sorti parce qu'il fallait que je crie au monde entier que je m'en sortais. Maintenant, le projet de l'hiver 2021, c'est de le reprendre et justement d'essayer en plus de l'illustrer, comme on a plusieurs cordes à notre arc. Donc d'en sortir un vrai livre illustré, et de pouvoir aller ensuite le défendre en conférence et pouvoir déjà le distribuer dans tous les centres d'addictologie, de pouvoir le trouver dans les bibliothèques des prisons, parce que j'ai œuvré aussi en tant qu'animateur à la prison de Mulhouse. D'accord. Et je me suis rendu compte que l'alcool est souvent à la base des problèmes. Et donc, encore une fois, moi, je voudrais dire que, un, c'est possible sans, moi, je m'en suis sorti sans médecin, sans produit de substitution, sans aucun médicament. Donc, juste avec de la volonté et après de l'hyperactivité, c'est comme ça que je vous disais, on tourne à 70 heures semaine, mais voilà, et tout ça dans la joie et C'est parce que c'est incroyable. Si on m'avait dit, quand j'étais alcoolique, quand j'étais au fond du fond, si on m'avait dit que ça allait être aussi facile de reprendre confiance en soi, de retrouver la confiance des autres. Les autres sont bienveillants, en fait. Mm-hmm. On l'oublie trop souvent, mais moi, je me suis rendu compte que l'humain est bienveillant. C'est vrai. Élise ? Non, mais moi, j'aime bien l'écouter. Oui. Vous êtes d'accord ? Non, mais... il parle bien. Il me met toujours mais un peu de l'émotion convaincu, quand il mais parle en fait, de ça. Je suis réellement convaincu. J'ai vu tellement de drames autour de l'alcool et j'en vois encore tous les jours. Et je trouve ça dramatique parce que c'est des effets de miroir. Quand je vois un homme ivre dire des bêtises, je me vois moi et je me dis mais qu'est-ce que c'est triste. En fait, je trouve ça triste, les drames familiaux, les engueulades à non plus finir, alors qu'il n'y a rien, il n'y a rien de rien. Et comme je dis toujours aux alcooliques, quand on est alcoolique, un gravier devient montagne, et quand on est abstinent, la montagne devient gravier. En fait, il n'y a plus, quand on est ivre, tout devient problème. Et quand on est abstinent, chaque problème a une solution et on va vite la trouver. Bien sûr. Donc, du coup, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs sont confrontés à ce problème... Ils peuvent absolument me contacter. Je suis sur les deux réseaux les plus connus, qui sont Instagram et Facebook. Mm-hmm. Enfin, je dis les plus connus, voilà. Moi, je suis sur les deux. Vous me trouvez sous Mistanov, Mistanov. Et je réponds aux questions. Vous pouvez trouver le journal de... Ça s'appelle... sur Facebook, c'est le journal de bord d'un alcoolique repenti. Et le bouquin s'appelle Regardez devant, il est trouvable sur Amazon. Ben voilà, tout simplement, c'était ma question suivante. Voilà. Donc du coup, on va reprendre le cours de cette émission. À travers vos peintures, le graphe, la peinture, etc., qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à celui ou celle qui regarde votre œuvre ? Élise ? Non mais Élise, En fait, je suis peintre et je parle pas beaucoup. Non, je parle un peu. Non mais elle parle beaucoup avec ses pinceaux parce qu'elle est. Elle est alors je me permets, je prends vite un petit coup la parole parce qu'elle est beaucoup dans le portrait, mm-hmm. dans le portrait. Mais alors c'est facile à dire le portrait. Énormément de portraitistes. Alors, évidemment, moi, je suis son fan numéro un, mais avant d'être en toute partialité, je dirais qu'Élise, elle a un regard qu'aujourd'hui, elle choisit ses modèles, elle choisit de les prendre en photo elle-même. Elle ne peut plus partir d'une photo comme elle l'a fait des années, où les gens lui donnaient une photo et elle reproduisait la photo. Aujourd'hui, elle a un travail où elle fait venir la personne, elle la fait poser, elle lui pose les lumières et tout ça. Et tout ça. Donc voilà, je tiens à... Merci. Oui, alors... C'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est qu'on a le travail de la douche froide et on a notre travail artistique personnel. Donc effectivement, on ne va pas faire forcément les mêmes choses. Mm-hmm. C'est-à-dire quand Neuve travaille sur ses toiles, il va travailler des thématiques qu'on ne travaillera pas forcément ensemble. Et moi, quand je travaille sur mes toiles, effectivement, je vais rarement travailler des thématiques qu'on travaille ensemble. Puisque je ne vais pas avoir une démarche de message au départ, puisque ce qui m'intéresse c'est l'humain, donc je vais travailler vraiment sur l'humain, et aujourd'hui c'est vraiment la peau et le derme et ce que je vais pouvoir et comment la lumière va se poser en fait sur ces pleins et ces creux. Donc c'est essentiellement ça qui m'intéresse, et de dialoguer en fait avec cet autre sur la toile. En fait, j'avoue, c'est pour ça que j'aime peindre, c'est qu'en fait, je vais être en méditation pendant 8 heures de temps dans la journée, puisque je vais discuter avec mes portraits, et c'est ça qui crée beaucoup de joie en moi. Alors après, ce qui va en ressortir, c'est bien évidemment, je vais aujourd'hui être plus précise sur mes démarches, c'est-à-dire que je travaille personnellement sur deux thématiques, ce qui est en dehors sur la peau et ce qui est dedans. D'accord. Voilà. Et donc sur ce que l'on voit et sur ce que l'on ne voit pas. Voilà, ça c'est mon travail personnel. Et quand je travaille avec pour la douche froide, à ce moment-là, on va être sur des thématiques, comme il vous l'a dit tout à l'heure, hein, de militants. Militantes. Nous sommes des militants. Donc là, effectivement, on va parler ensemble de ce qu'on a envie de faire véhiculer comme idée. Et à ce moment-là, eh bien, on va. Moi, je vais, en tout cas de mon côté, voir qu'est-ce qui est le plus parlant. En tout cas, comment je vais pouvoir retranscrire cette idée, du coup, dans un personnage ou dans un être ou dans un animal ou autre. En tout cas, voilà, comment ça va être le plus percutant pour appuyer en fait, le message mot lettre. Voilà. Et donc les deux ensemble vont donner quelque chose encore d'autre que si on avait été tout seul en fait. Hein, s'il y avait juste des mots ou juste un portrait ou autre, eh ben le message n'est pas le même. Là ensemble, ça donne encore autre chose en fait, quelque chose de plus précis. La première année, on a énormément travaillé uniquement sur les femmes. Donc on a une collection qui s'appelle Les Petites Bombes, qu'on a développée, on avait une application 3D en parallèle, qu'on a travaillé avec un ingénieur 3D, avec Lucien Sechepine, qui est aussi un membre qui intervient dans la douche froide. Et c'était essentiellement les portraits féminins, les traits de caractère. Donc moi, mon travail, c'était de mettre en derrière tout leur trait de caractère. Donc c'est une collection de 11 petites bombes. Et derrière ça, en fait, on est parti là, cette dernière année. Je pense que le Covid nous a, les confinements et tout ça, parce qu'il faut savoir qu'avant, nous, ça fait qu'un an qu'on est à l'atelier Allure. D'accord. Avant, on était dans une petite cuisine de 10 mètres carrés, tous les deux, confinés, avec nos toiles. Et comme par hasard, derrière la suite, ça fait qu'on travaille beaucoup sur la surconsommation, la cupidité, la corruption, ce qui fait que l'humain, à l'heure actuelle, on le trouve bien trop cupide et bien trop éloigné des valeurs qui ont fait la richesse de cet humain, justement. Aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup sur, parce que je m'en suis rendu compte quand on présente nos toiles en expo, la consommation revient beaucoup. On est vraiment dans ce constat que chacun d'entre nous peut faire. Évidemment, on sait bien que la planète étouffe, que ça peut pas continuer comme ça. Mais comment on fait? Il faut peut-être déjà commencer par soi-même. Donc c'est vrai que déjà nous, on a beaucoup bossé sur nous-mêmes. Parce que moi, j'étais un consommateur invétéré, un acheteur de sur les sites chinois, compulsif. Compulsif, non, mais c'est vrai, ces sites, quand moi, comme je dis toujours, c'est de la consommation de pauvres. Quand on n'a pas de sous, quand on n'a jamais de sous, qu'on est un pauvre, et ben le peu de fois où on a un peu de sous et qu'on découvre ce genre de site où on a l'impression d'avoir un peu de pouvoir d'achat, soudain en quelques clics on a acheté 4 produits pour 4 €. Oh, quel miracle! Et on les attend 3 semaines, donc 3 oui. semaines d'attente, et au bout de 3 semaines on se rend compte qu'on a acheté un produit à 1 € et que bien souvent il est cassé. Donc vous avez en plus la frustration de l'avoir attendu et en plus la frustration d'avoir acheté de la donc voilà, les anciens disaient, les aînés qui n'avaient pas trop de fortune disaient, on n'a pas les moyens d'acheter bon marché. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait revenir à ça. Oui, on revient sur du made in France, de la qualité, tout ça. Je préfère acheter une fois un produit cher made in France qui va durer 40 ou 50 ans plutôt qu'acheter 40 fois un produit de qui ne fonctionnera pas. Voilà. Et on a utilisé justement pour parler de tout ça quelque chose de d'ancestral, disons. On est parti sur la mythologie grecque qui vient appuyer en fait notre manière de voir le monde d'aujourd'hui. Donc on l'a retravaillé en fait. On a le centauvache. Voilà, on l'a retravaillé. Donc, le centaure, c'est le buste d'Arnold Schwarzenegger le jour de son titre de Monsieur Univers. Mm-hmm. Donc où il est au maximum du développement musculaire. On croirait même qu'il est en plastique. On dirait même plus qu'il est humain. Et on lui a mis sur un gros cul de vache franc-comtoise. Le tout derrière une petite tondeuse en plastique made in China sur un amas de mots que sont la consommation, les GAFAM, le soi-disant progrès. Mmh. Et donc voilà, c'est ce genre d'image qu'on travaille sur cette mythologie-là, en fait, revisiter façon 2021 et tout le côté absurde. D'accord. Donc il est 14h34, avant de poursuivre cette émission et de parler encore plus de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci le titre Almost Famous du célèbre rappeur Eminem. Alors les gens qui sont en voiture, je vous en supplie, levez le pied. Voilà, levez le pied, parce que c'est un morceau de musique qui donne envie de partir en guerre, voyez-vous, qui donne envie de rouler. Alors, tous les auditeurs qui sont en voiture, levez le pied, appréciez ce morceau. Voilà, surtout n'accélérez pas. Bon, quant à nous, on n'a pas trop de problèmes, on est confortablement installé dans le studio. Donc, au niveau des quelques références, une nouvelle fois, cette chanson, c'est plus du hip-hop rap, c'est du Eminem. Hein. Ouais. C'est un morceau sorti en 2010 et il est tiré de l'album Recovery d'Eminem, album sorti le vendredi 18 juin 2010. Il s'agit d'ailleurs du 7e album studio du rappeur. Alors, on écoute ce titre de Eminem et on se retrouve juste après, d'ici près de 5 minutes quand même. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Be careful what you wish for. radical shit. There's a cold wind blowing this world, they're gonna know what hit it. He did it, he made it, he's finally famous. Un petit morceau qui fait du bien et qui bouge bien, comme tu l'as dit, Nov. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. On espère que vous n'avez pas eu d'accident pendant cette musique. Non, j'espère. Non. Normalement, je porte bonheur, je porte pas de malheur. Bien sûr. Donc du coup, vous êtes de retour sur Radio Gamozo. Vous êtes bien sûr toujours en direct, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Il est 14h40, presque 41. Déjà, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout-en-France. Et comme je le disais tout à l'heure, et comme je le dis tout le temps, peut-être même dans les pays frontaliers. Du coup, vous venez d'écouter Almost Famous du célèbre rappeur Eminem. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Élise et de Nov, respectivement, j'ai du mal avec ce mot, artiste peintre et artiste graffeur du collectif La Douche Froide, qui sont là pour nous parler de leur activité et de tout ce qu'ils font. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Ah ben nous, on est bien, hein, oui, on est bien très chez bien. Vous. Ouais. Mais Remiremont, c'est joli. C'est vrai. C'est joli. Autour là, vous êtes bien entouré. Moi, j'aime beaucoup les sapins. Moi, j'aime bien les arbres. Élise, elle avait un peu plus de mal avec la montagne. Moi, je suis une langroise. C'est une langroise. Mais moi, je suis né au pied du ballon d'Alsace. Alors, ah oui. Moi, j'aime bien nos décors. Du coup, le côté naturel, le côté urbain, du coup. Non, il faut que ce soit plat. C'est plat. Il faut que ce soit plat pour Élise. Il faut que ça grimpe sapin. Trop. Voilà, ok. Donc, du coup, même question que pour la première fréquence musicale. Pourquoi avoir voulu écouter ce morceau d'Eminem? Ben, alors, Eminem, là, pareil, c'est l'album Recovery. Donc, Eminem, c'est quelqu'un aussi qui a connu des hauts et des bas. Et puis là, justement, c'est un album qu'il a sorti après. Donc, c'est. Et puis, Almost Famous. Voilà, c'est un rappeur blanc, c'est un rappeur qui a connu l'usine, c'est un rappeur donc moi je suis pas du tout dans l'identification, mais j'ai des tout, voilà, il me parle forcément plus que Tupac. Forcément, je m'identifie plus à un Eminem qu'à un Tupac. Et en plus là, après, c'est vraiment une histoire de vibration. Je trouve que c'est un morceau qui donne envie de voilà. Alors quand je disais de rouler vite, c'est pour ça qu'on a inventé les pistes de karting et voilà. Moi, c'est ça. Vous mettez ça avec un karting, j'ai envie de rouler très vite. Donc c'est des où je disais de partir en guerre, mais il y a aussi des guerres saines. Bien sûr. Ça me donne voilà. Ça, si j'écoute ça le matin, que j'ai un peu mal au dos, que j'ai un peu pas la pêche, que j'ai pas envie d'y aller, ben si j'écoute ce morceau, direct, je vais aller tout de suite mieux. La musicothérapie, moi j'y crois. Oui, ça fait du bien. Donc on va reprendre du coup le cours de cette émission. Donc tout en préparant du coup cette émission, j'ai eu l'occasion de lire qu'il est nécessaire du coup pour la douche froide de, je cite, se concentrer sur celui qui est là, sur ses creux et ses pleins, mais aussi sur l'invisible, sur les maux, donc M-A-U-X du corps. Fin de citation. Est-ce que c'est vraiment une des choses que vous souhaitez tous les deux transmettre au travers de vos peintures? Élise, en ce moment, c'est vraiment un travail qu'elle fait, quoi. Oui, mais je crois que de toute manière, hein, la peinture en général, déjà de base. Et là, pour parler de l'ensemble de nos mots, M-O-T-S, M-A-U-X, etc. Donc après, nous, effectivement, nous sommes des personnes qui nous remettons en question quand même 3 heures sur 10. Donc c'est vrai que le questionnement, en fait, est toujours là. Chaque jour, en fait, et c'est ça qui est vraiment génial en étant deux, c'est qu'il y a un retour. Voilà, il y a quelqu'un qui répond et qui donne le change et qui fait qu'on avance comme ça, et c'est vraiment agréable. Et donc, je pense que dans nos peintures, c'est ce qui va en ressortir, justement. Donc moi, personnellement, oui, je travaille sur les mots M-A-U-X et dans le corps, donc ce qui est invisible, comment moi je vais le rendre visible, et sur ce qui est visible. Mais justement, qu'est-ce que ça voile? Enfin voilà, il y a tout un questionnement par rapport au corps. Hein. Ça, c'est vrai que c'est ce qui m'obsède, j'avoue, depuis de nombreuses années. Et puis du coup, ben, quand on est ensemble, oui, les mots vont pouvoir prendre une vraie place. Si je parle en termes d'art-thérapie, quand on travaille en art-thérapie, on va travailler tout ce qui va être invisible, hein, au travers des arts, pour à un moment donné arriver à mettre des mots. M-O-T-S, voilà. Et donc c'est ça le plus important finalement. Et est-ce que face à nos toiles, des mots peuvent venir comme ça du spectateur? Et ben alors c'est vraiment super si c'est possible. Donc mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X du coup. Oui. Ouais. Mais c'est vraiment moi une démarche que j'ai fait la première fois que j'ai écrit un texte de rap, c'était vraiment dans cette optique-là, c'était mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. La démarche, ça fait 30 ans, en fait, moi je me rends compte, ça fait 30 ans que j'ai la même démarche. Moi je suis toujours dans la dénonciation d'un malaise, alors qu'il soit social, qu'il soit... moi, comme je le disais, je fais beaucoup d'ateliers. Donc je travaille beaucoup avec jeunes publics et beaucoup dans les quartiers sensibles. Et c'est ce que j'essaie de leur communiquer aux plus jeunes. Je leur dis, le mouvement hip-hop, il a fonctionné sur nous il y a 30 ans. Je vois pas pourquoi il fonctionnerait plus à l'heure actuelle sur vous. Là, vous êtes toujours sur le bling-bling, le paraître. Je dis, nous, on n'avait pas de basket à 150 ou 200 euros. On n'avait même pas de basket à 150 francs. Et en fait, des baskets, elles te servent juste à pas avoir froid aux pieds, quoi. Mmh. Et donc, toute l'image, nous, en fait, ce premier mouvement hip-hop, c'était beaucoup d'actes et pas de paraître. C'est-à-dire qu'il fallait savoir danser avant même d'avoir un beau survêtement. On n'avait pas de... Les premiers codes vestimentaires, c'était vraiment très très strict. Donc des gros baggy, des gros suites à capuche. On n'était pas dans le paraître, dans l'esthétique. Il n'y a pas de concours de mode. C'est par contre des concours de dessin, des concours d'écriture, des concours de danse. Par contre, c'était une saine compétition. On était toujours, toujours en compétition. Mais toujours saine. D'ailleurs, les battles de danse sont encore un bel exemple. Parce que même en 2020, on voit les gens se mettre front contre front. C'est très impressionnant, c'est au niveau visuel. Et ils vont comme ça se clasher physiquement. Et dès que le battle est terminé, tout le monde se saute dans les bras, tout le monde se félicite. Et on retrouve encore c'est une des disciplines qui a pas trop morflé, la danse, je trouve. Le graffiti, c'est quelque chose qui est complètement mort parce qu'il est plus lié au hip-hop. Aujourd'hui, le graffiti, n'importe qui peut avoir accès au graffiti. Il n'y a plus l'étiquette hip-hop. Il y a encore des vieux hip-hoppers comme moi qui sont dans le graff. Mais on a toute une vague d'écoles d'art, des gens qui n'écoutent pas du tout de rap, qui n'ont rien à voir avec le mouvement hip-hop. Et c'est tant mieux, hein, c'est eux qui ont amené le coup de fouet au graffiti, qui a amené une évolution technique par rapport aux personnages, aux portraits, aux décors. C'est grâce justement à ces gens-là aussi qui ont amené un second souffle. Et voilà, donc toute cette création, ça bouillonne. Aujourd'hui, on se retrouve avec des minots qui sont champions du monde de PlayStation, mais par contre, ils savent pas faire un dessin. Mmh. Parce que, parce qu'à la maison, les outils ont disparu. J'ai des enfants qui n'ont pas de feutre à la maison. Ah oui. Par contre, ils ont des PlayStation à 500 euros. Donc là, moi, ça me pose souci. Donc c'est pour ça qu'on est encore sur le terrain et c'est pour ça qu'on est encore aussi dans la transmission. D'accord. Donc dans vos peintures, donc dans la peinture, du coup, votre collaboration, il y a vraiment cette notion de vouloir transmettre un message, voire même de dénoncer certaines choses. Ah ouais. Moi, c'est vrai, assumé. On préfère le faire comme ça parce que sinon. Moi, c'est complètement assumé. Ouais, et puis Élise, elle n'osait pas avant, mais elle l'avait déjà en elle. Donc maintenant, oui, c'est juste voilà, que maintenant elle ose. Voilà, j'ose. En fait, ouais. Je m'en fous. Voilà, c'est ça. Ben oui, non, mais parce qu'on a fait les deux le même bilan, en fait, c'est que créer pour plaire, ça ne fonctionne pas. Mm-hmm. Ça n'a jamais fonctionné. Moi, je pense qu'il faut créer parce que c'est fou que ça sorte et aller au plus proche de soi-même. C'est-à-dire que ma création, je veux pas y mettre des censures ou des trucs pour plaire. Ou par exemple, Élise, elle a plein de clés qui fonctionnent très très bien, on le sait. Elle pourrait gagner plus d'argent en faisant plus commercial. Moi, la même chose pour moi. Bon, alors maintenant, je suis trop vieux pour viser une carrière de rappeur, mais il y a 20 ans en arrière, on m'avait proposé de me refaire faire le nez, de changer les paroles, de mettre une... J'aurais pu être le Matt Pokora avant l'heure. si vous voulez, mais du rap. Bon, ben voilà, c'est des choix. Moi, j'ai toujours refusé ça, quitte à être pauvre et connu que dans ma région. C'est pas très grave, tant que mon éthique est intacte. Et la douche froide, on a vraiment ce choix de on a une éthique. Réellement, on a une éthique à défendre. On est des incorruptibles de l'art. Non, mais oui, l'honnêteté. L'honnêteté, en tout cas, on y met de la justice de revient nous beaucoup. Réellement dedans. Et c'est quand voilà, ce mélange de nous deux est honnête. D'accord. Voilà. C'est beaucoup, ça revient beaucoup, la justice. Qu'est-ce qui est juste? Même dans notre vie de tous les jours, en tant que parents, en fait. La justice, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui est juste? Si selon toi c'est juste ou si c'est injuste, sur quoi on peut se battre? Si c'est réellement injuste? Non, on parlait de remise en cause, de remise en question. Donc nous, on se remet tous les jours, on se remet en question personnellement, on remet en question notre travail, on remet en question. Et c'est ce qui manque, je pense, à la jeunesse. La remise en question. C'est vrai. Est-ce que je suis uniquement la victime ou est-ce que j'ai quelque part de responsabilité? Et je pense que quand on a pris sa part de responsabilité, l'évolution se fait beaucoup plus facilement. Bien c'est sûr. comme aller vers l'autre. Comme je leur dis toujours avec leurs histoires de fringues, de baskets, je leur dis, vous avez tout un code vestimentaire pour plaire à l'autre. Mais l'autre, c'est vous. Donc en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Toi, tu veux des baskets pour plaire à l'autre qui veut des baskets pour te plaire à toi. Oui, alors au final, tout le monde a la même paire de baskets, la même coupe, le même code vestimentaire. Moi, je sais qu'il y a 30 ans en arrière, on rentrait dans un collège, on arrivait à identifier 7 à 8 communautés. Aujourd'hui, vous rentrez dans un collège, il y en a une. Oui, c'est vrai. Donc, il est déjà 14h52. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer dans une troisième et dernière fréquence musicale beaucoup plus calme. Là, ça va grouver sec. Accrochez-vous, messieurs, dames. C'est Elise Poinsnow DJ. Elle a fait la programmation. Elle a dit boom, bang. Je débarque dans les Vosges. Je vais vous mettre du gros son. C'est du gros son importé que personne ne vous connaissait dans vos contrées. Elle vous l'a ramené. C'est Made in EP17. Elise Poinsnow, boom, bang. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment un son. Ouais. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Donc, à tout de suite sur Radio Yemozo. Je suis né passage de la bonne graine. J'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine. Toujours le patron, il est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais là, bon ce qu'il faut, mais toi tu exagères, tu verras qu'un jour tu le regretteras. Je m'en fous pas mal, il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Il y a les bords de la Seine, il y a l'avenue de l'Opéra, il y a le bois de Vincennes, quel beau dimanche on a là. Et puis il y a le bal qui vous plante des frissons partout, il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux, il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou, le reste après tout. Je m'en fous. Ce fut par un de ces beaux dimanches que tout de long se mit à danser. De grands yeux noirs, de longues mains blanches. Alors je me suis laissé embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type là c'est connu, il a pas de cœur. C'est un vanipier, un trait de misère. Il t'en fera voir de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Il y a ses bras qui m'enlacent, il y a son corps doux et chaud, il y a qu'à sa bouche qui m'embrasse. Ah mon amant, ce qu'il est beau. Et puis à la balle, quand je suis dans ses bras, c'est fou, je me trouverai mal. Quand il me dit bien, rentrons chez nous. Oh l'animal, avec lui j'irai n'importe où, le reste après tout. M'en fous, j'ai vécu des heures si jolies. Quand il me tenait entre ses bras, je n'aurais jamais cru que dans la vie on puisse être heureuse à ce point-là. Mais un jour tout n'était que rire, un jour de printemps rempli de joie, il s'en est allé sans rien me dire, sans même m'embrasser une dernière fois. Je m'en fous pas mal, je peux m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon passé qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. M'en fous. Les souvenirs qui m'enlacent chantent au fond de mon cœur. Et tous les coins où je passe me rappellent mon bonheur. Et puis à la balle, je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux. Parfois j'ai mal, j'ai mon cœur qui frappe à grand coup, ça m'est égal, je m'en fous. Et voilà pour ce titre de 1946, Edith Piaf, avec son titre Je m'en fous pas mal, sur Radio Guémozo. Donc vous êtes de retour, il nous reste moins de 3 minutes d'émission, donc on va devoir rapidement conclure. Donc bien sûr, nous sommes toujours en compagnie de Élise et de Neuf, donc artiste peintre et artiste graffeur du collectif La Douche Froide. Donc tout est toujours bon pour vous? Super. Ah ben, impeccable, ouais. Parfait. C'était très vite. Ouais, c'était ça. Super vite. Donc, j'espère que les auditeurs et auditrices n'ont pas été trop choqués par l'ensemble, quoi. Non, je pense que ça devrait aller. C'est cool. Du coup, si nous voulons suivre l'actualité de La Douche Froide, parce qu'il s'est passé un petit événement dernièrement, malheureusement, pour votre page Facebook. Hein, oui, on a été piraté par des joueurs thaïlandais. Voilà. Vietnamiens. Voilà. Ouais, enfin, Vietnam, Laos, Cambodge, c'est le triangle d'or qui nous attaque. Et donc, je pense comprendre l'importance, peut-être. Mais si on commence à avoir des cyberattaques. Donc, la page Facebook, La Douche Froide, est actuellement en panne. Mais voilà, contre, alors, vous pouvez, en tant que fan, aller signaler simplement l'usurpation d'identité. Ça, voilà. Ça nous aiderait peut-être à retrouver notre page. Sinon, vous pouvez retrouver Élise.snow sur Facebook et Instagram, Mistanov sur Facebook et Instagram, Élise, elle a un site internet. Élise.snow.com. Voilà. Ouais, hein, ça c'est classe. Pour ce qui est de l'actu, si vous voyez Troubadour, c'est que c'est nous, bientôt chez vous. Et puis, s'il y a des frontaliers, n'hésitez pas, nous, la Belgique, la Suisse, on cherche des expos, on cherche des concerts, donc on nous trouve aux écuries à Lure. La Douche Froide. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. On aurait pu parler encore pendant une heure, mais bon, malheureusement, il y a un programme qui suit, donc yes. Je ne peux pas déborder. Donc, en tout cas, merci à toi pour l'accueil. Hein, avec plaisir. Vraiment cool. Avec plaisir. Donc, du coup, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Donc, cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook demain dans la journée. Et si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Yes. Voilà. Que du bon. Voilà. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, d'ici quelques secondes, je vous laisse avec Memento Mori, donc la rediffusion de Memento Mori, de la musique bien métal, bien. Voilà, pendant 2 heures, donc à 15h. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi, à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Stéphane Poinceau, professeur des écoles et ancien sapeur-pompier volontaire dans les Vosges pendant près de 30 ans, quand même, qui nous parlera de ses ouvrages à destination des enfants sur les sujets de la sécurité, avec par exemple les gestes qui sauvent, la prévention, les incendies domestiques, les risques majeurs, les pompiers, etc., etc. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup, je vous dis à demain. Donc salut et à demain.